Mardi 21 avril, bienvenue à l'aérospatiale. Aujourd'hui, dans notre émission consacrée à l'univers des arts visuels, on fait un petit retour sur l'exposition PKP Hockey PQ de Marc-Antoine Coffaneuf, qui est présentée au lieu jusqu'au 3 mai. Également, on reçoit Armelle François, responsable des communications chez Engram, qui viendra nous parler de l'encan d'œuvres d'art d'Engram. Donc, c'est un encan annuel. L'exposition va courir jusqu'au 25 dans la galerie d'Engram, puis ensuite, il y aura Encan silencieux le 3 mai au Cercle. Également, on discute avec Audrey Caro autour de l'exposition Volcan de José Landry Sirois, qui est présentée à la galerie Michel Guimont. Raymond Poirier nous viendra nous faire sa revue de presse et le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Simon, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? On écoute deux virtuoses du Hang H-A-N-G. C'est un instrument qui est en métal qui rappelle vaguement une soucoupe volante. Ça a été inventé en Suisse au début des années 2000. Donc, ces deux interprètes, c'est Swarup et IVA. C'est Swarup qui nous vient des Pays-Bas et IVA de Saint-Pétersbourg en Russie. C'est des expérimentations sur l'instrument, donc musique assez méditative, planante, assez idéale pour la lecture ou des activités qui demandent un peu de concentration. Musique vraiment dans le ventre. C'est sur l'étiquette Subwise, une étiquette qui nous vient de la Russie. Voilà, mais Simon Roy, merci beaucoup pour cette suggestion. C'est plaisir. On va écouter tout de suite un extrait de Improvisation One sur les ondes de CKRL. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. C'était une suggestion de Simon Roy. Je vous rappelle que Simon anime l'émission Web Musique qui est diffusée le dimanche à 19h ici sur les ondes de CKRL. Et parlant d'animateur de CKRL, j'en accueille un autre. Raymond Poirier, bonjour. Bonjour, Julie. Alors, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu. Il a dû s'en passer des choses. Et il s'en est passé quand même pas mal. Je pense qu'on va même avoir du matériel pour la revue de presse la semaine prochaine également. Bon. On commence par des récompenses, prises et nominations. C'est incontournable, en fait, de le mentionner. Après avoir remporté la bourse de carrière Jean-Paul Riopel en décembre, le prix Moi Multi des productions Recto Verso le mois dernier. Et bien, l'artiste multidisciplinaire de Québec, Diane Landry, sera la lauréate de l'une des 173 bourses Guggenheim, ce qui est quand même pas rien. En entrevue téléphonique au Soleil, elle disait et elle rappelait que c'était une bourse très prestigieuse. C'était la première fois qu'elle posait sa candidature. Elle aurait été évidemment très, très contente. Alors, elle est la seule Québécoise et l'une des 7 récipiendaires canadiennes de ces bourses, parmi donc les 173 lauréats, qui eux-mêmes sont choisis parmi plus de 3100 candidats, donc quand même. Alors, c'est une bourse montant moyen, on parle de près 43 000 pour une année. Donc, ça va effectivement lui donner un coup de pouce là, pour poursuivre son travail, sa recherche là, au fil de l'année à venir. Elle a décidément le vent dans les voiles. Décidément. Et autre élément à surveiller, ben, la Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse ont annoncé la liste préliminaire des artistes mis en candidature pour le prix Sobey pour les arts 2015. C'est quand même la plus haute distinction dans le domaine des arts contemporains au Canada, ou l'une des plus hautes à tout le moins. Alors, 25 candidats, c'est la liste longue, évidemment. Il y aura une liste courte qui sera sélectionnée par un second jury par la suite. Là. Pour les artistes québécois, on parle de Sophie Belair-Clément, de Série Pop, Yannick Deranlo et Chloé Loom, de Jacqueline Wang Nguyen, de Alison Kadz et de John Raffman, qui sont donc éligibles. Évidemment, ce sera intéressant de voir lequel de ce groupe sera sélectionné par la suite. Alors, des professionnels ont offert une liste pour considération, un jury qui fait une sélection pour les finalistes parmi cette liste-là. Et ensuite, il y aura le grand gagnant qui sera annoncé, donc vraiment sur trois étapes. Puis, on sait quand il va être annoncé, ce dit grand gagnant? Alors, ce dit grand gagnant sera annoncé, mais à la liste des finalistes, ça sera annoncé le 3 juin. Okay. Et le grand gagnant lui-même, ça sera à compter donc du, disons, fin début octobre, lors d'un gala qui aura lieu. Donc, c'est quand même un long processus. On laisse durer le plaisir. Oui, et en fait, c'est que c'est toujours aussi accompagné d'une exposition pour les artistes finalistes au Musée des beaux-arts de Nouvelle-Écosse. Et si les gens également veulent en faire un peu plus sur les artistes finalistes, ben allez sur sobeyartaward.ca et vous avez aussi les liens biographiques d'un peu tout le monde. En même temps, ça reste aussi une belle opportunité de découverte, ces listes-là. On a quand même un beau panorama d'artistes canadiens qui ont été sélectionnés par des gens du milieu. Donc, nécessairement, mais ça peut être intéressant de savoir c'est qui aussi également. Autre initiative, en fait, c'est à l'initiative du Centre Laboréal et du Festival d'art numérique Lève Festival. Donc, il y a Avatar et 11 autres organismes internationaux qui participent à la fondation d'un nouveau réseau destiné à la recherche, la production, l'éducation et la diffusion des nouvelles pratiques en art numérique. Alors, c'est un projet de coopération internationale qui vise le support, la promotion, la diffusion, l'interaction entre citoyens, artistes et chercheurs intéressés par les arts visuels, la création sonore et les arts numériques. Alors, c'est quand même intéressant. Donc, c'est une initiative qui devrait s'étendre de mai 2015 à juin 2017. Ça va être financé du côté de l'Europe. Donc, on parle d'à peu près 200 000 euros, notamment, qui va appuyer la mise en place de ce réseau-là. Donc, peut-être 250 000 $ à proprement parler. Donc, c'est pas un maigre montant. Et on parle donc d'organisations d'un peu partout. Donc, Autriche, Nantes, France, Allemagne et Serbie, entre autres. Au niveau canadien, ben, il y a Avatar, il y a Electra à Montréal. Il y en a plusieurs autres en Amérique. Alors, sinon, autre petite nouvelle. En fait, c'est que j'avais envie, on dirait qu'on a parlé beaucoup de la foire papier ces dernières semaines, mais pas dans le positif, évidemment. Mais qu'en est-il de cet événement qui a lieu du 24 au 26 avril prochain? Donc, quand même, c'est assez proche aussi, si on pense passer par Montréal à cette occasion. En fin de semaine. Alors, donc, on dit que la foire grandit, 8e édition quand même de l'événement, et qu'on a réussi à atteindre un bel équilibre entre les galeries d'ici, entre les galeries de l'extérieur, entre un reflet de la diversité aussi. Du moins, c'est ce qu'on dit du côté de l'Association des galeries d'art contemporain. On parle de gros joueurs qui sont des grandes galeries québécoises, mais aussi justement des galeries de Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Halifax, Winnipeg. Et tranquillement, il y a des clients aussi de l'extérieur qui commencent à se déplacer, qui commencent à estimer que ça vaut la peine de se rendre sur place. Donc, c'est quand même assez intéressant. On attend donc des bureaux d'avocats, des banques, notamment BMO, RBC, Banque Nationale, qui se déplacent place pour l'événement. Donc, c'est quand même aussi des fonds de philanthropie quand même assez intéressants. On parle de délégations de conservateurs asiatiques, européens, américains aussi, qui vont être sur place, des gens de France également, des réseaux d'ambassadeurs de plusieurs milieux. Donc, bref, ça semble être sur un bel air d'aller de ce côté-là. En termes de programmation, on parle d'une quarantaine de kiosques, une quarantaine de galeries représentées. Donc, on espère garder une certaine échelle humaine donc un peu moins de kiosques que l'année dernière, répartis de manière un peu plus large aussi sur le plan de la foire, donc pour faciliter les déplacements, et évidemment avec des installations et des œuvres qui ont toutes et tous un lien avec le papier. On pointe notamment sur We're Still Standing de Nicolas Fleming, une sculpture en papier, une forme de banc fait en gypse, en fait, donc le gypse qui sont deux feuilles de papier qui supportent du plâtre, donc on espère en fait développer un peu les explorations autour justement de la question du papier. Bel article d'ailleurs dans le journal Le Devoir que vous pouvez consulter pour voir un peu de quoi il s'agit. Et comme à l'habitude, je le mentionne au passage, ben on relaie l'ensemble des articles de la revue de presse systématiquement, soit au fil de la semaine, soit en rafale le mardi, sur facebook.com/l'aérospatiale. Tout est là. Oui, j'ai envie juste un petit commentaire, Raymond. J'ai bien hâte de voir sûrement que tu vas nous reparler de la foire papier mardi prochain, étant donné là, la dissension qu'il y avait avec des galeries montréalaises qui va créer un autre événement, une autre foire, donc plus globale. J'ai bien hâte de savoir ce qu'il y en est. Effectivement, ce serait intéressant de voir un peu de quelle manière Montréal aussi réussit à se positionner dans la sphère du marché de l'art international. Et peut-être on termine avec une nouvelle du côté de Québec. Après 5 ans, la direction générale des musées de la civilisation, Michel Côté a quitté ses fonctions. Une nouvelle qui a été annoncée autour du 15 avril dernier. Donc, annoncée avec regret, nous assurons dans la presse par le conseil d'administration. Donc, il n'a pas encore quitté définitivement puisque c'est lui qui assure sa propre transition. Par communiqué, M. Côté s'est dit attristé de tourner la page, mais ressent également de la satisfaction à l'égard du travail qu'il a accompli, et il estime laisser à son successeur, je cite, une institution qui a le vent dans les voiles, qui est en constante évolution dans la muséologie contemporaine. Alors, on rappelle évidemment que M. Côté a reçu quand même plusieurs honneurs au fil de son mandat, Ordre des Arts et des Lettres de la République française, prix Samuel de Champlain, membre de l'Académie des Grands Québécois, entre autres choses. Alors, ben voilà, donc on verra maintenant quel changement ça mènera pour le musée, et peut-être aussi, en fait, on tombe plus dans le registre de la machine à rumeurs et le reste, mais qui est pressenti d'un côté, peut-être? Est-ce qu'y a-t-il des gens pressentis? De B, pourquoi a-t-il quitté? Quelles sont les raisons de ce départ qui sont pas détaillées au bout du compte dans les différents articles de presse que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à présent? Ben, qui sait, peut-être qu'on le saura ou non, mais si on le sait, c'est certain que tu vas nous revenir encore, Raymond, dans ta grosse pile de dossiers à suivre. Raymond, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, à la vie en BD, qu'est-ce qui se passe-t-il? On a reçu un Bordelais qui est en résidence à Québec, un artiste, un peintre qui fait des fresques et qui utilise sa technique de fresque pour faire une BD au requin marteau. Oh, voilà. Ça pique ma curiosité. On s'en va en pause audio, on écoute un deuxième extrait de l'album Improvisation de Swarup et IVA. Thank you. j'accueille à l'instant Audrey Carreau. Bonjour Audrey. Allô Julie. Tu fais des chroniques ici depuis quoi, le début de la saison, donc depuis le mois de septembre. Puis on s'est parlé dernièrement, puis tu as dit ça va être la première fois que je vais parler d'une expo. Parce oui, que tu parles toujours de publications, d'événements, de ci, de ça. Puis là, ben, tu es allée à la galerie Michel Guimond. Je pense que tu avais hâte de voir l'expo de José Landry-Sirois. Ben oui, effectivement. J'ai eu l'occasion d'être là au vernissage à l'ouverture, donc le 12 avril dernier. Et puis, je dois dire que j'ai été agréablement surprise parce que José, ça fait déjà quand même un petit moment que je connais son travail puis que je la connais personnellement aussi. Ouais. Donc, c'est le fun de voir justement, dans comme on dit dans le communiqué, sa première expo en galerie, là, solo. Oui, c'est ça, parce qu'on l'avait vue chez Michel Guimond, mais elle avait invité Paryse Martin et Diane Landry. Donc, exact. C'est pas exclusivement son travail. C'est ça, c'est ça. Ou, c'est ça, elle était présentée de façon collaborative avec d'autres artistes. Là. Et puis, je dois dire que cette exposition-là, Volcan, en tout cas, m'a particulièrement surprise parce que j'y ai fait de très belles découvertes. Puis également aussi, c'était intéressant de voir plusieurs aspects de son travail aussi qui étaient présentés. Et puis, Josine disait que dans cette expo-là, il y avait pour elle en particulier trois pièces maîtresses. Ah ouais? Ouais. La volonté, qui est un très beau dessin. Également, Mon père est mort, qui est finalement un petit carnet, dans le fond, où les feuilles ont été toutes déchirées. Et puis, au fond, là, sur le fameux carton qui est toujours derrière, c'est écrit « Mon père est mort ». En rouge. Puis, on l'avait vu aussi à l'œil de poisson l'an dernier, mais dans la dernière saison, en 2013, début de septembre 2013. Elle avait été invitée par Paryse Martin. Par Paryse, exact. C'est ça, dans la petite galerie. Et puis, sinon, il y avait aussi un autre dessin, « Protection », qui, je dois dire, est mon coup de cœur de l'exposition. Un tout petit dessin à l'horizontale, là, format horizontal. Vraiment, moi je le dis toujours panoramique un peu là, mais qui est vraiment splendide parce que on sent il est vraiment différent je trouve des autres. Elle utilise toute la surface, mais aussi on sent que ce dessin là a exigé beaucoup d'elle. Quand on s'y attarde, on sent qu'il y a des efforts, le papier est vraiment tout gondolé, tu sais, comme quand on est un enfant. Ah ouais, avec un stylo à billes, là, puis on remplit complètement, puis ça vient... C'est ça, puis ça vient vraiment gondoler le papier, puis aussi on sent qu'il y a des encavures aussi dans le papier. Bref, ça lui a demandé là tout un effort. On sent que le travail a été assez ardu, mais qui a donné un résultat splendide. Puis il me semble qu'il est surprenant aussi, ce dessin-là, là, par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Je sais pas si j'ai le bon en tête, là, mais il y a deux parties comme dans ce dessin-là. Est-ce que c'est lui? Il y a comme un petit visage un peu énigmatique au centre, un peu comme un genre de masque. Ouais. C'est un mort et bon, il est rouge en plus, qui est un peu comme le Wilson dans Tom Hanks, là, sa fameuse main là, sur son ballon. Mm-hmm. Là, ça me faisait un petit peu penser à ça, mais un peu plus démoniaque, là, si on peut dire, un peu plus inquiétant. Mais aussi beaucoup de couleurs, aussi plus saturées également. Mais enfin, je dois aussi lever mon chapeau à François Simard qui a fait les encadrements. Ouais. Ce dessin-là est merveilleusement encadré parce que, dans le fond, il est flottant. Mm-hmm. À l'intérieur de la Marie-Louise là, qu'il y a à l'intérieur. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ça lui donne une espèce une impression, oui, qui flotte, de flottement, mais aussi ça lui donne une présence là, vraiment particulière. Au papier même, donc pas juste qu'on voit dessus. Exact, mais bien l'objet physique à l'objet là, qui est présent. En soi, puis vraiment, donc c'est ça, ça rehausse sa présence. Donc, on a ces trois œuvres-là qui sont des œuvres fondatrices, on peut dire, de cette expo-là, mais une expo encore où on sent beaucoup, dans le fond, José, au travers de ça, qui au travers justement de tous ces petits mantras qui se retrouvent au travers des dessins, volonté, amour, foi, les forces de la nature, champ de force. Bref, c'est tout elle qui est au travers de ça. Puis il y a toute une énergie, je trouve, qui se dégageait beaucoup de ces dessins-là. Et également, elle revient avec quelques dessins sur fond noir. Ouais, j'étais contente de voir ça d'un d'assez grand format, là, il me semble. Oui, il y en a un qui est immense, là, hélas, là, qui est vraiment très, très gros, là. Et puis. Hélas, pourquoi? Pour ton budget de collectionneuse? Ah, c'est un beau dessin, mais quand même, côté prix, j'ai trouvé ça, somme toute, assez raisonnable aussi. Il y en avait pour tous les prix, puis je pourrais continuer sur cet aspect-là dans quelques instants, mais enfin, des très beaux dessins sur fond noir, puis j'étais très heureuse de voir ça, mais j'ai aussi trouvé que il y a quelque chose de japonais aussi, hein, dans ces dessins qui, on voit comme des montagnes au travers là, de certains, puis je le dis pas de façon péjorative, mais gribouillis, des, dans le fond, des choses qui sont esquissées plus rapidement, spontanément aussi, puis vraiment, ça me faisait penser à ça. J'ai un ami qui m'avait rapporté un catalogue du musée d'art moderne, là, je pense de Tokyo, et puis je regardais ça hier, genre, ça me fait penser à ça, parce que t'as les montagnes, un astre céleste, des écritures aussi, hein, quand, avec ces fameuses légendes, justement, ouais. Où elle met des éléments colorés, puis elle leur donne comme toutes des chartes, là, comme une carte. Exactement, donc ça, puis tu sais, qui sont pas nécessairement toujours représentatives de OK, le bleu, ben ça équivaut à la telle aspect. Non, on est plus dans l'ordre des impressions, des émotions, puis des états. Hein. Exact, et puis c'est ça, je trouvais ça assez intéressant aussi, mais on sentait vraiment une sorte de moi je lui ai dit, une grande maîtrise de son médium au travers de ces nouveaux dessins-là qu'elle a fait. On sent que c'est abouti, puis qu'elle maîtrise là, très très bien tout ça. Beaucoup de mouvements, d'énergie, bref, ça reflète la femme derrière l'artiste aussi, la femme passionnée, énergique, dynamique qu'elle est également. Donc, beaucoup de charge émotionnelle aussi qu'on ressent au travers de ça. Et toujours ce petit côté, moi, qui me plaît beaucoup, du côté un petit peu, comment dire, puis encore là, je ne dis pas péjorativement, mais sale. Oui, un petit peu on brut, sent le papier semble découpé ou déchiré, là, comme... Oui, rapidement, ouais. Mais aussi le fait que quand elle dessine, comme on sent que sa main a frotté sur le dessin, puis c'est pas propre, le papier est pas impeccable. Puis ça, j'aime ça, ouais. Justement, ça montre qu'il y a tout un travail aussi derrière ça. Puis une présence physique aussi, comme de l'artiste, oui. Dans son travail. Là. Moi aussi, j'aime bien ça, cet aspect brut-là, puis cet aspect sans compromis aussi, oui. Là, d'une certaine manière, qui est intéressant, conjugué avec le souci du détail, parce que tu sais, la petite rature, elle est là, sa présence a une force aussi là, dans les œuvres. Exactement. Oui, oui. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre aussi des nouvelles dimensions de son travail, ou du moins d'autres façons de présenter des aspects que, par exemple, de la collection. Parce que Josée, on le sait, c'est une collectionneuse, elle ramasse toutes sortes de petits objets qui peuvent nous apparaître banal et insignifiant même pour certains, mais qui pour elle ont vraiment quelque chose d'important ou de significatif. Et puis cette fois-ci, elle nous les présente non pas en 2D, mettons encadré dans un cadre plus boîtier, mais au travers de petites sphères, ouais. Des petites boules presse-papier. Et puis ça, je trouve ça très intéressant, de différents formats. Puis encore là, on parlait d'accessibilité pour tout le monde, mais écoutez, on parle d'œuvres à moins de 100 $ là, pour certaines, pour les plus petites. Et puis, ce sont donc toutes sortes d'éléments qu'elle collectionne, des allumettes, des papiers de bonbons, des clés, des petites bandes de pétards là, qu'on faisait quand on était jeune, des gommes à mâcher, des abeilles aussi, hein, des vraies abeilles. Comme des abeilles qui ont séché là, sur le bord de la fenêtre, comme ça, mais quelque chose de très, très beau. Des gommes effacées, des pelures de crayon aussi, qui est intéressant parce qu'on fait le lien avec sa pratique en dessin aussi. Donc, toutes sortes de choses qui, pour elle, comme elle l'a déjà dit, pour laisser une sorte de trace aussi. Ce sont toutes des petites finitudes quotidiennes pour elle, même voir des sanctuaires. Donc, c'est intéressant d'avoir ça dans ces petites boules-là. On dirait que ça les magnifie en quelque sorte. Ça les rend vraiment précieux. Tu sais, la gomme effacée, je veux dire, on en a tous une, ou on en a tous eu une à tout le moins, tu sais, qui est un peu salie, dans laquelle on a mis nos mines de crayons parce qu'on faisait ça dans nos secondaires, par exemple. Et là, soudainement, ça devient comme un bel objet dans son écrin de verre ou de, je sais pas c'est quoi la matière, là, mais tu sais, ça donne vraiment une belle beauté puis une belle pérennité aussi à ces objets-là. Exactement. On les fixe en quelque sorte dans le temps, comme ça. Donc, un peu à l'image, du collectionneur qui souhaite de garder une trace en collectionnant toutes sortes d'objets, en quelque sorte. Et puis, ben aussi, on retrouve des œuvres qui sont récentes, mais qui reprennent des motifs motifs qu'on a déjà vus, des collages justement de papier, là, la foi, qui est tout un gros collage de papier en forme de cœur, ouais. Une accumulation de ces papiers-là, mais aussi avec des mantras derrière, écrit la foi, répété à de nombreuses reprises. Donc, on retrouve tout ça aussi, mais également des photographies. Oui, une nouvelle avenue. En fait, j'étais quand même intriguée par ça. J'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va aller avec ça. Mais il y a une petite série de trois images avec des abeilles, justement, qu'on retrouvait dans les fameuses petites boules, les presse-papiers. Une série qui s'appelle La Tribu, où on a des petites abeilles qui sont disposées sur un fond floral, comme ça, comme si elles étaient en train de butiner, mais en même temps, elles sont mortes. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis elle me disait qu'il y avait une autre photo qui est un petit peu plus loin, là, qui s'appelle Impression, qui est en fait aussi qui a été un peu l'origine de cette nouvelle avenue qu'elle explore là, plus en photo. Donc, à suivre dans les prochaines années. Voilà. Avec ton petit regard de suspense. Audrey, oui. Je pense que tu avais des petites annonces à faire. M'as-tu parlé de ça? J'avais mal compris un courriel qu'on s'était envoyé. Juste pour dire, deux expositions. Il y a Canadian Bacon qui a lieu justement, je sais même pas bien, est bonne, du 24 avril au 26 avril. Donc en fin de semaine prochaine. En fin de semaine sur la rue Christophe Colomb. Je vous invite à aller voir la page Facebook. Vous tapez Canadian Bacon 3 et vous allez avoir aussi toute la longue liste de talentueuses artistes et c'est donc présenté à un endroit différent, là, donc sur si ma mémoire est bonne, c'est 272 Christophe Colomb, mais également aussi il y a une exposition qui rouvre au Cercle, Le Bel Ouvrage, oui, oui. Qui montre justement l'affiliation entre artisanat et art visuel, des fois où la ligne peut être mince entre les deux, et c'est sous le commissariat de Jeanne Couture, une ancienne collègue à l'œil dont le vernissage de cette exposition-là va avoir lieu mercredi, donc demain ouais. À 17h au Cercle. Et je sais que c'est là quand même pour une bonne période. Oui, je pense que c'est jusqu'en juin, il me semble. Si ma mémoire est bonne, effectivement. Donc voilà, ça vaut la peine d'aller voir cette exposition-là si vous passez dans le coin du Cercle. Ben, merci Audrey. Donc c'était Audrey Carreau qui nous parlait de l'exposition Volcan de José Landry-Sirois qui est présentée à la galerie Michel Guimont jusqu'au 3 mai. Sur ce, on fait une pause. Retour, on discute avec Armelle François. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle. Prochain match, le 4 mai. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Le printemps, c'est au Bal du Lézard que ça se passe. En avril, musique, impro et expo se côtoient. Le 10 avril, les Taverneux, avec Marc-Alain Lavoie, sauront vous enflammer avec leur musique crue, directe, dénonciatrice et délirante. Le 18 avril, Jaune s'arrête au bal dans le cadre de leur tournée L'Espace des jours 2. À compter du 23, Elsa Daigle, artiste multidisciplinaire, propose une réflexion sur le paysage qui nous entoure. Ne manquez pas également, tous les dimanches, les matchs du bal. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue, Limoilou. Lebaldulézard.com. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Chroniques du Pas Possible. Vous avez toujours douté de l'existence des ovnis? François-Guillaume Leblanc vous présente son spectacle d'humour gestuel en 7 numéros et 35 personnages sans décor ni costume. Les zombies, loups-garous et vampires n'ont qu'à bien se tenir. Le 23 avril prochain, au Centre d'art La Chapelle. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul. Et pour en savoir plus, écoutantique.com. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Avant de poursuivre plus avant, je vous invite à aller sur notre site l'aérospatiale.wordpress.com. À peu près tout sur l'émission, autour de l'émission et l'émission même sont disponibles sur le site. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Comme à chaque année, en fait, il y a l'encan d'œuvres d'art à Engram. Et pour en parler, j'ai Armelle François qui est coordonnatrice aux communications et... Ah, j'ai oublié, à la diffusion. OK, voilà. Bonsoir. À la diffusion. Bonsoir, Armelle. C'est le combien-tième encan d'Engram? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on est très mêlés dans les numéros. Ah ouais, vous les mettez plus? C'est ça, on les met plus, on met l'année, simplement, parce qu'il y a eu un arrêt dans le fait de faire des encans à un moment. Donc, ça a comme mélangé tout le monde. Ah ouais, mais ouais. J'imagine, là, il y en a eu au moins une dizaine. Ouais. Là, on a plus de 40 ans. Oui, vraiment beaucoup plus. On doit être au 35e, si probablement. OK. Ben quand même, hein, il y a le même âge que moi. Dis-moi, Armelle, il y a 55 artistes qui offrent des œuvres, j'imagine? Oui, en fait, les œuvres qu'on utilise sont des œuvres qui sont déposées dans la banque d'œuvres par les artistes qui travaillent toute l'année. C'est un principe de fonctionnement de à peu près tous les centres en estampes, en fait. Les gens qui viennent travailler dans les ateliers déposent des œuvres, donc dans ce qui est considéré comme la banque d'œuvres, et ces œuvres appartiennent au centre. Donc, le centre en dispose comme il l'entend. Et en général, il y a plusieurs centres qui utilisent certaines de ces œuvres pour justement s'autofinancer à côté. Donc, nous, cette année, on a eu quelque chose comme 250 œuvres à peu près de déposées. Et là, sur ça, c'est même pas uniquement celle de cette année, mais sur ça, on en retire 50. Ça veut dire qu'Engram a quand même une grosse collection d'œuvres. Une très grosse collection d'œuvres. Combien à peu près? Hein? En fait, je ne le sais pas parce que on vous comptabilise, avez arrêté de les compter, une année. C'est un peu ça. En fait, on sait ce qu'on a, mais on n'a pas un compte précis de chaque chose. Puis il y en a qui rentrent, mais il y en a qui sortent tout le temps, j'allais dire quotidiennement, c'est pas le cas, là. Mais il y a quand même des gens qui viennent au long de l'année en acheter aussi parce que c'est possible. Ah oui, donc il y a vraiment moyen d'aller en Engram, de prendre rendez-vous, de dire, moi, j'ai envie d'aller regarder les estampes puis d'acheter quelque chose. Oui. Ah, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Oui. Donc, si jamais on manque l'encan ou qu'on peut pas voir l'exposition, mais on peut toujours y retourner. Puis c'est des œuvres, dans le fond, qui normalement servent à la vente, donc à financer. Ça fait partie du contrat de membership, finalement, des membres d'Engram. C'est ça. Oui, c'est une obligation de déposer, en fait, pour un centre comme le nôtre, quand on vient travailler dans les ateliers. C'est un peu en fonction de combien de temps on travaille dans les ateliers. C'est proportionnel, si vous voulez. Oui, je comprends. Ouais. Puis là, ben, il y a 55 œuvres. En fait, il y en a 50. Il y en a 5 qui ont été retirées en juin, contrairement à ce qui est écrit. Ah, voilà. Ben donc, il y a 50 œuvres. Oui. Comment on choisit ça, ces œuvres-là, pour un événement comme celui-là? Il y a un comité qui se réunit, un comité de membres qui se réunit, qui essaie de déterminer. C'est certain que ça va en fonction de ce qui se vend, mais en fonction des artistes qui viennent travailler, en fonction de des jeunes artistes qui viennent, des artistes plus anciens qui sont là depuis longtemps, des gens qui sont venus simplement faire une résidence chez nous et qui ont déposé des œuvres aussi. Donc, on essaie de mélanger un peu pour plaire à toutes sortes de monde et essayer de répondre aux besoins et aux désirs de la clientèle, parce que c'est le cas. Ça, c'est pas comme une exposition. C'est vraiment, on répond à une clientèle à ce moment-là. Puis tu dis, justement, c'est pas juste une exposition, parce que, bon, il y a des œuvres sur les murs. Il y en a aussi, là, qui sont protégées dans des cartons, parce qu'elle a exposé tout ça. Non, 50 œuvres sur les murs, ça fait beaucoup. Oui, c'est en grammes. C'est pas si gros que ça non plus. Non, c'est ça. Et on essaie de les laisser respirer aussi. Donc, on a sélectionné... La sélection elle-même des œuvres, c'est donc un comité qui l'a faite, qui essaie de prendre un peu dans toutes les techniques et toutes les possibilités qu'a l'estampe. Et d'un autre côté, pour l'exposition elle-même, on a mis des œuvres qui pouvaient vivre ensemble, se côtoyer sur les murs. C'est ça notre principal intérêt. Une fois, on resélectionne dans la sélection, en fait, pour afficher, là, pour que ces œuvres-là puissent cohabiter en toute harmonie, là. Voyons, je suis en train d'oublier la question que je voulais poser. Je sais, je suis perturbante. Oui, vraiment. j'ai soufflé coupé. Tiens, oui, j'ai une question, en fait, sur le visuel. Tu as le carton devant toi. Moi. Vous avez choisi une œuvre de Claudia Tremblay. Ça s'appelle Le Camion, je pense. Oui, Camion numéro 1. Pourquoi celle-là? Ben, l'idée d'un visuel pour ce genre de choses, c'est d'aller chercher quelque chose qui va attirer l'œil. C'est sûr qu'on peut avoir une très belle œuvre, mais si elle est noire et blanc, elle passera pas forcément très bien dans ce genre de choses. Ce sont des cartons. On est tellement bombardé d'images. Sur un babillard, ça passera pas. Donc, le camion, comme ça, très coloré, très pop, là, ouais. Il se repère bien, il est très... il plaît beaucoup, en fait. Et c'est un référent pour tout le monde. Le camion de crème glacée, là, ouais, ça plaît à tous. De l'enfant au vieillard, là, tout le monde apprécie la crème glacée, là. Donc, c'est sûr que ça vient chercher quelque chose d'un peu enfantin, mais qui est très bien réalisé. Le travail de cet artiste-là est vraiment très intéressant. C'est une jeune artiste. Ouais, ça lui donne une belle visibilité, oui, à elle aussi. Tout hein, à quand fait, même. Effectivement. Mais c'est en premier lieu une œuvre qui nous plaît, là, c'est certain. Là. On ne se le cachera pas. Puis, bon, parlant d'œuvres qui plaisent, Armelle, là, je pose la question qui tue tout le temps ça quand il y a des expositions avec beaucoup d'œuvres. Toi, tes coups de cœur, là, tu sais, si tu avais attaché une œuvre, là, je sais, là, tu regardes ta liste. Oui, c'est ça, je regarde ma liste. Mais en fait, probablement que j'irais en premier lieu pour Serge Murphy. Oui. Parce que Serge Murphy, ce n'est pas un artiste qui est membre d'Engram, mais c'est un artiste qui a une réelle cote, qui est un artiste qui est connu, qui a une expérience. Et il est venu en résidence, il a travaillé avec quelqu'un pour imprimer et il a fait des lithographies il y a quelques années. Elles sont vraiment intéressantes et elles correspondent vraiment à son travail de dessin. Et c'est ça, il y a toute la matière du dessin qui est là, même si on est passé par la lithographie. Et c'est vraiment intéressant de le voir. C'est vraiment une très belle œuvre qui est présentée. Je l'aime beaucoup et j'aime cet artiste aussi. C'est quelqu'un de très sympathique au demeurant. Donc, je trouve que ça n'enlève rien. Et toi aussi, tu présentes une œuvre... Oui, qui n'est peut-être pas du calibre de Serge Murphy, mais en fait, c'est un travail que j'avais fait pour apprendre la sérigraphie quatre couleurs, donc la séparation. Pour faire imprimer quatre couleurs. Donc, c'est tramé. Donc, la base, en fait, j'ai utilisé un papier qui est imprimé en gravure sur bois et par-dessus, il y a un appât, un petit poisson qui est imprimé en sérigraphie quatre couleurs. Voilà. Bon, il y a certainement plusieurs œuvres, mais j'ai envie là, de parler du déroulement de l'encan à proprement parler, parce que là, bon, l'exposition, c'est jusqu'à dimanche. Samedi. C'est jusqu'à samedi. Après ça, vous, j'imagine, il faut déménager tout ça pour l'encan qui va avoir lieu le 3 mai au Cercle. Et là, je suis un peu confuse parce que j'ai lu qu'il y avait encan silencieux et qu'il y avait encanteur. Oui, en fait, il y a une œuvre à l'encan silencieux, parce qu'il y a des gens qui apprécient ça. Donc, on sait que ça fonctionne pour nous aussi. Oui, des fois, on peut être timide. Puis... Oui, donc on a mis une œuvre à l'encan silencieux, donc les gens, pendant l'exposition, peuvent commencer à miser sur cette œuvre-là, et cet encan-là va se finir pendant l'encan à la criée. Mais les 49 œuvres, en fait, sont vendues à la criée, et donc le 3 mai. Donc, ça fait un événement quand même... Oui, assez intéressant. Surtout avec notre animateur, là, c'est assez... Oui, peux-tu nous le présenter? Raoul Desmeules, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu des arts depuis très longtemps, qui est notre encanteur depuis de nombreuses années, qui est très sympathique, très dynamique et assez coloré. Donc, les gens l'apprécient et les gens reviennent aussi pour lui. Ils apprécient d'acheter des œuvres d'art, mais apprécient de le voir. Il donne une performance. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est bien apprécié de tout le monde. Puis, les gens qui vont d'habitude à l'encan comme ça, c'est... Monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'il y a comme un public cible? Il y a des profils qui se... Ben, c'est sûr qu'il y a des collectionneurs, là, c'est certain. Mais il y a des gens qui sont là un petit peu par hasard parce que quelqu'un leur en a parlé ou parce qu'ils connaissent un artiste. Et en fait, il y a des œuvres à tous les prix. Donc, il y a assez... En fait, on voit arriver une nouvelle génération qui veut avoir de vraies œuvres à la maison, là, qui connaît la qualité d'un vrai travail et qui est prêt à payer un vrai prix pour avoir une vraie œuvre et non une copie. Donc ça, c'est intéressant et l'estampe répond bien à ces gens-là. Ben oui, parce que c'est accessible. C'est beaucoup plus accessible que des tableaux, par exemple, qui sont uniques, c'est certain, et c'est magnifique, mais on n'a pas forcément toujours les prix pour ça, enfin les moyens pour ça. Donc ça répond à ce besoin-là d'un jeune couple qui est nouvellement en appartement, mais qui veut avoir une œuvre sur ses murs, là. Donc ça fonctionne bien pour ça. Voilà, mais Armelle François, merci beaucoup Donc, merci. L'encan d'œuvres d'art, je répète, l'exposition se poursuit en grammes jusqu'au 25, puis après ça, c'est le 3 mai au Cercle. Les inscriptions se font à partir de 10h et les enchères ont lieu de 10h30 à 12h30 sous le travail de Raoul Desmeux, qui sera accompagné d'Armel, justement. Oui, tu fais quoi? Tu présentes les œuvres et tu mets non, la petite en fait, main il y a quelqu'un qui est là pour ça. Il y a des gens qui les présentent, mais moi, je suis là plus pour parler des artistes spécifiquement ou des techniques. OK. Ben voilà. Donc, l'invitation est lancée. On fait une pause audio, on écoute Improvisation 3, tirée de l'album du même nom de Swarup et IVA. Et voilà, on entame déjà cette dernière partie de l'aérospatiale. Il est 6h14, à tout moins sur l'horloge que j'ai devant moi. Peut-être chez vous, il est 15 ou 13. Bref, on devait aujourd'hui discuter avec Marc-Antoine Kafaneuf autour de son exposition PKP Hockey PQ. C'est comme le fun à dire, mais un peu difficile en même temps. Et finalement, Marc-Antoine Kafaneuf est malade. Donc là, il m'écrit ce matin en disant « je ne peux pas, je suis sincèrement désolée ». Puis ben, j'ai décidé de parler quand même de son exposition parce qu'elle vaut le détour. Puis, il y a eu la gentillesse de m'envoyer des écrits qu'il avait fait là, autour de cette exposition-là. Donc, ça va être une chronique, ma foi, fort documentée à la source primaire que constitue l'artiste. Donc, PKP Hockey PQ est présenté au lieu jusqu'au 3 mai. Avant de vous en parler plus en détail, je veux parler de cet artiste, en fait, Marc-Antoine Kafaneuf, qui est artiste et écrivain, qui est formé en histoire de l'art à l'UQAM. Il y a une démarche, je dirais, assez cohérente, qui est assez facile à voir là, dans les productions qu'il fait depuis quelques années, qui témoigne d'un intérêt pour le potentiel narratif des objets de la culture populaire. Il travaille avec le détournement, la recomposition, le réagencement d'objets qui sont collectés, altérés, bonifiés et présentés en série. Il apprécie particulièrement le ready-made, la citation, et veut poétiser des réalités qui sont banales. Donc, il invente des histoires, des imaginaires à partir des objets anodins, des objets kitsch, des objets risibles. Mais le mot kitsch, je pense que c'est un terme assez éloquent là, par rapport à son travail. Je me rappelle de ce qu'il avait présenté au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, je crois que c'était en 2012, si je ne me trompe pas, où il avait pris donc plusieurs romans harlequins, il avait pris des pages et il avait recomposé un roman à partir de tous ces livres-là. Donc, il va beaucoup utiliser des objets qui reflètent la culture nord-américaine. Son travail est un travail ludique, un travail conceptuel qui soulève le rapport des Occidentaux avec le texte, l'image et l'objet. sujet. Et son but, finalement, son intention première ou cachée derrière tout ça, c'est de parvenir à démocratiser l'art actuel en utilisant la culture populaire et l'humour, puis en amenant l'art là où les gens ne l'attendent pas nécessairement. Ceci étant dit, on peut vraiment se pencher sur l'exposition au lieu, donc PKP, OK, PQ. OK comme dans le sport, là, pas dans OK comme les lettres, sinon ça, quoi que ça aurait été quand même assez drôle comme jeu de mots, peut-être pourrait-on lui suggérer. Donc on est vraiment là dans une série sur le hockey, en plein dans les séries justement où là les Canadiens cherchent peut-être à avoir une 25e Coupe Stanley. Donc c'est un projet qui traite à la fois de l'amour de Marc-Antoine Coffaneuf pour le Canadien de Montréal, mais également de la volonté de Québec de revoir les Nordiques. Un projet qui ravive quand même, d'une certaine manière, cette espèce de rivalité là, Québec et Montréal qui a duré pendant un certain temps, qui a peut-être encore cours aujourd'hui, je ne saurais dire. Donc, grosso modo, quand on arrive dans la salle d'exposition, on a... j'ai comme eu un moment de confusion. On arrive dans la salle d'exposition et on est assez happé. Notre regard est happé par 24 coupes Stanley, des Canadiens en carton et en papier d'aluminium. Donc, des coupes qui sont en taille réelle, mais qui ont vraiment un aspect bricolé, un aspect toc, un aspect un peu cheesy. En fait, de ce que je comprends, c'est que Marc-Antoine Faneuf, quand il a fait ces coupes Stanley-là, il a voulu donner l'impression que c'est des partisans qui ont fait ces coupes Stanley-là. Donc, ce qu'un partisan aurait pu faire. Ça rappelle un peu le travail, peut-être pas en papier mâché parce que visuellement, c'est pas ça, mais quand même. Donc, toutes, elles ont été fabriquées par l'artiste, mais il en a fabriqué une 25e pour la chance, pour porter espoir aux Canadiens pour qu'ils puissent gagner la Coupe cette année. Au-dessus de ces coupes-là, 18 bannières rouges identiques à celles des numéros de chandail qui ont été retirés. Par exemple, les numéros de Maurice Richard, Jean Béliveau, des grands joueurs de la Ligue, ben pas de la Ligue, mais en fait des Canadiens de Montréal. Également, il y a une dimension politique parce que sur les quatre murs, quatre. Sur les quatre murs de la galerie. Je sais qu'il y a quatre murs, mais je me demandais s'il y avait sur chacun des murs. Bref, il y a une dimension politique parce qu'il y a des portraits très grand format qui sont imprimés sur papier peint. Un portrait de Pierre-Carl Péladeau qui évoque la construction d'une nouvelle amphithéâtre qui dit, et je le cite, « On va l'avoir, notre permis de bière. » Donc, on est vraiment en lien là avec Elvis Gratton, avec le fanatisme aveugle, le populisme. Également, il y a aussi un portrait de Régis Labombe. Régis Labombe qui dit « Patinage libre », en fait, qui réfère à une entrevue qu'il avait faite à l'émission Bazin dans laquelle il répondait à la question de la fonction de l'amphithéâtre, puis il a dit « il va y avoir du patinage libre ». Il y a également un portrait de Marcel Aubu en train de rembrasser Vladimir Poutine avec une citation en russe qui dit, selon la traduction fournie par l'artiste, « Attention Québécois, Poutine va nous manger ». Donc, il y a vraiment quelque chose d'absurde. Et finalement, il y a un grand portrait de Gary Batman où il dit « Deal with it ». En fait, tous ces portraits-là, ce sont pas ces gens-là spécifiquement qui l'ont dit à ce moment-là, mais c'est vraiment là donc écrit à l'encre rouge, au graffiti, un peu là, comme un tag ou une inscription, sur un mur. Donc, tous ces personnages-là, pour Marc-Antoine Coffaneuf, représentent un peu la cacophonie ambiante et le projet insensé de faire revivre les Nordiques. C'est une réunion de gens qui ont peu en commun, outre cette volonté un peu intense, quoi que Gary Batman dit, je le cite encore, « Deal with it », donc arrangez-vous avec vos affaires, moi ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est le reflet de l'énormité du spectacle sportif. Il y a beaucoup d'humour dans l'exposition. On voit Péladeau en sauveur au point levé dans les airs. Marcel Aubu dans les bras de Poutine. En fait, je dirais que c'est un peu dur d'entrer dans la salle d'exposition et de pas rire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup ri parce que il y a tellement de tape à l'œil. En plus, dans les fenêtres, il y a des petits rideaux diaphanes, mais un peu brillants, qui sont vraiment kitsch dans la fenêtre. Il y a la coupe Stanley. Tout est pensé vraiment pour faire très, très, très culture pop, ce qui est effectivement une dimension de Marc-Antoine Coffaneuf. La dimension kitsch est vraiment présente, mais il y a aussi toute la dimension populiste aussi, toute la dimension populiste du discours autour des Nordiques, puis de cette espèce de projet rassembleur qui, finalement, est un peu, selon l'avis de certains, moi, je connais pas tellement le hockey, mais qui est un peu absurde. On sent qu'on est à mi-chemin entre une forme d'amour, une forme de dénonciation également. Puis, ben, que ce soit au lieu, ça donne une dimension peut-être un peu plus critique à la chose. Ici, on n'est pas tout à fait dans le ready-made qu'on a pu voir. On y est, mais on sent la même préoccupation pour l'objet banal qui est revalorisé. Finalement, c'est, à mon avis, une exposition qui en vaut la peine, juste pour peut-être se mettre un sourire au visage et pour le redire encore, le titre PKP, OK, PQ. Moi, ça me fait vraiment rire. Donc, c'est une exposition de Marc-Antoine Coffaneuf qui est présentée au lieu jusqu'au 3 mai. On fait une pause audio, on écoute Improvisation 4. Voilà, je vous répète, c'était une suggestion de Simon Roy. En fait, les quatre pièces qu'on a écoutées s'appelaient respectivement Improvisation 1, 2, 3 et 4. C'est tiré de l'album Improvisation de Swarup et IVA. Donc, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit. Hein, c'est toujours gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. Outre les événements auxquels Audrey Caron nous a convié, tout à l'heure, il y a d'autres expositions qui débutent, notamment à l'exposition. Il y a à vue, en fait, vernissage vendredi 24 avril à 17h. Vernissage à l'exposition L'étendue de mes connaissances de Jacinthe Robitaille et The Force of What Lives Us Out Leaving the Mountain de Stephen Beckley. Donc, deux nouvelles expositions qui proposent une réflexion sur les relations humaines et leur représentation, soit par le regard de Jacinthe Robillard, sur ses proches et ses connaissances ou la manière dont Steve Beckley présente les relations apparaissant sur des photos trouvées. Donc, les deux artistes interrogent la façon dont la photo peut interférer dans l'illustration des liens qui nous unissent. Également, en fin de semaine, c'est les films primés du Festival international du film sur l'art 2015 qui sont présentés au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est du 22 au 26 avril à l'auditorium. Pour les membres, c'est 9 $, sinon c'est 10 $. Vous pouvez avoir la série complète pour 84 $. Une série de 4 films ou plus revient à 8 $ par film. Donc, c'est vraiment en exclusivité au musée. C'est la 33e édition du FIFA qui a eu lieu. Donc, des films qui témoignent d'une grande diversité, qui passent de la musique à la poésie, sans oublier l'architecture, des œuvres à caractère social et politique. On parle de 13 films remarquables en provenance du Canada et de plusieurs pays européens qui vont venir le combler des amateurs d'art de tout acabit qui sont intéressés de voir ce qui se passe derrière le processus créatif. Parmi quelques films, en fait, demain, il y a une soirée spéciale, donc demain 22 avril, avec la présentation de René Rozon, qui est fondateur et directeur général du FIFA de Montréal, qui est suivi de la projection du film Before the Last Curtain Falls, donc qui nous présente le travail de Gardenia. le spectacle, en fait, Gardenia, de Alain Patel et Frank Laeke. Jeudi 23 avril, par exemple, il y a Concrete Love, inspiré du travail de Gottfried Böhm, qui est considéré comme le plus important architecte allemand. Il y a donc plusieurs films comme ça, là, je pourrais, Artwork est présenté vendredi 24 avril, Neon également, samedi, The Skies Over Dresden, Le Retour et le Mouvement du Tao, Zhu Xiaomei et les Variations Goldberg, I'm a Creative Animal. Dimanche, une soirée peut-être un peu plus là, axée sur la danse avec Ballet Boys et une courte histoire de la folie. Également aussi, si vous aimez l'artiste François Sullivan, dimanche à 15h30, Black and Tan Fantasy Répétition. Donc, un film qui présente le travail de François Sullivan au moment où elle est entrée en contact avec la musique et la danse des quartiers noirs de Harlem à New York. Bref, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Je répète, c'est du 22 au 26, donc de mercredi à dimanche. Sur ça, c'est déjà l'heure de la fin de l'aérospatiale. Je remercie mes collaborateurs. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Et je vous recommande fortement d'écouter Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL. Bonne soirée à tous!